Deixa eu dar umas caras. Disons que ça tient exactement à la même place à l'intérieur de cette fonction. Ceci étant énoncé comme ça tout abrupt, pourquoi? Pour que vous le mettiez à l'épreuve. Je dirais que ça vous mènera toujours quelque part. Et même de préférence à quelque chose d'exact. Ceci, bien sûr, ne dispense pas le soin de vous y introduire par les voies qui conviennent. De savoir celle, non pas qui vous justifie pour moi, et pardonnez-vous, je vous parle, mais celle par laquelle ça peut s'expliquer. Je suppose, je ne suppose pas forcément, que je m'adresse ici. Toujours des analystes au reste. C'est bien ce qui fait que mon discours n'est pas facilement suivi. C'est très précisément en tant qu'il y a quelque chose qui, au niveau du discours de l'analyste, fait obstacle à un certain type d'inscription. Cette inscription d'autant, c'est ce que je propose, c'est ce que j'espère qui passera d'un point si on peut dire, le discours analytique prenne un nouvel élan. Alors, il s'agit donc de rendre sensible de comment la transmission d'une lettre a un rapport avec quelque chose d'essentiel, fondamental dans l'organisation du discours, quel qu'il soit, à savoir la puissance. Donc ça, bien sûr, il faut que à chaque fois, vous mettez au ton la chose. On va le faire. L'exemple de base dont je suis parti, c'est de savoir que c'est très expressément d'étudier la lettre comme telle, en tant que quoi, en tant que je le dis, là, un effet féministe, que j'ouvre mes écrits. Cette lettre, en somme, c'est un souvenir encore la dernière fois, elle fonctionne très spécifiquement à ceci que personne ne sait rien de son contenu et que jusqu'à la fin du compte, personne ne saura rien. Elle est très exemplaire. Elle est très exemplaire en ceci que dans le monde, au Venet, encore, je pense que même au Venet, Dieu n'est pas venu, cette lettre est quelque chose, si sommaire ou si grossier, quelque chose qui portera un témoignage de ce qu'on appelle communément un rapport sexuel. Tant que ce soit écrit par un homme, souligné par un grand, et à une reine, il est évident qu'il est. Que c'est pas ça qui ferait un drame avec cette lettre, qui l'a tenue d'une courbe, comme je peux dire. C'est-à-dire de quelque chose de fondé, c'est la meilleure définition maintenant, puisque. Sur la distribution de la jouissance, de la tenue d'une cour. Que, dans cette distribution, elle mette, on appelle à proprement parler le rapport sexuel, à son rang, c'est-à-dire, évidemment, plus bas. Personne. Relève comme notable du service qu'une grande dame peut assez vite recevoir un laquais. Avec la reine, bien sûr, justement parce que c'est la reine, une chose doit prendre un autre accent. Mais d'abord, tant qu'il est posé, n'est-ce pas qu'un homme né, c'est celui qui, je veux dire, de race, ne saurait prendre ombrage d'une liaison de son épouse qu'à la mesure de sa décence, c'est-à-dire des formes respectées. C'est une chose qui pourrait faire objection, bien sûr. L'introduction bâtarde dans la lignée, mais même ça, en fait, peut servir à un rajeunissement d'un récent. Vous se voit évidemment ici, dans un cadre, pour vous être spécialement présentifié dans la société actuelle, n'en est pas moins exemplaire et fondamental pour ce qui est raisonné. Rapports sociaux, à quoi se voit, dis-je en somme, il n'y a rien de tel qu'un ordre fondé sur l'artifice pour faire apparaître cet événement qui, lui, en apparence, justement celui qui doit paraître irréductible dans le réel, à savoir la fonction du besoin. Je vous ai dit qu'il y a un ordre dans lequel il J'ai tout à fait mis à sa place d'un sujet si haut placé qu'il soit. Cette part de jouissance irréductible, la part minimale à ne pas pouvoir être sublimée comme cette preuve du précédent. Seul un ordre progressif n'est pas posé. La cour, pour autant qu'elle redouble l'artefact déjà de la noblesse, de ce second artefact. C'est seulement là de sa place le besoin expressément spécifié comme tel et le besoin sexuel. Je note ce qui paraît d'un côté spécifié et naturel être ce qui, je dirais, l'orientation en sociologie du rapport sexuel pourrait faire partie d'un besoin, ce qui doit en réalité, à savoir la reproduction. Nous constatons que si l'artefact est satisfaisant à une certaine théorisation primaire d'un côté, de l'autre, il laisse évidemment la place à ceci, c'est que la reproduction peut aussi bien dans ce cas n'être pas la reproduction, je dirais, entre guillemets, légitime. Ce besoin, c'est irréductible dans le rapport sexuel, on peut admettre, bien sûr, qu'il existe toujours, mais Freud l'affirme. Mais ce qu'il y a de certain, c'est que il n'est pas mesurable. Tant qu'il n'est pas expressément, et il peut l'être que dans l'artefact de la relation à l'autre, avec un contact, il n'est pas mesurable. C'est bien l'élément de détermination. Où se signe ce qu'il y a de fondamental, c'est très précisément que le rapport sexuel n'est pas instructible, n'est pas fondable comme rapport. Je peux en croire à la lettre. La lettre dont je pars pour en ouvrir mes écrits, se désigne de ce qu'elle est et de ce qu'en quoi elle indique tout ce que Freud c'est que si elle sert quelque chose, il y a du sexe, ce n'est pas certain de rapport sexuel, mais un rapport, disons, sexué. La différence entre les deux ici est que il a apporté décisif, c'est que par l'intermédiaire de l'inconscient, nous entrevoyons que tout ce qui est du langage a affaire avec le sexe et dans un certain rapport avec le sexe, mais très précisément en ceci. Que le rapport sexuel ne peut, au moins jusqu'à l'heure présente, d'aucune façon s'y inscrire. Une prétendue sexualisation par la doctrine freudienne de ce qu'il en est. Situé de l'ordre du langage. La prétendue sexualisation consiste essentiellement en ceci. Ce qui devrait résulter du langage, à savoir que la relation sexuelle d'une façon quelconque s'y inscrit, montre précisément, et ceci dans le fait, montre son échec, n'est pas inscrit. Fonctionner ceci qui fait partie de cet effet d'écart, cet effet de division qui est celui auquel nous avons régulièrement toujours affaire. Et c'est bien pour cela qu'il faut en quelque sorte vous y former. C'est que j'énonce, par exemple, ceci, de la rapport sexuel. C'est justement dans la mesure où quelque chose échoue. Échoue à ce qu'il soit. Est-ce énoncé? Justement, ça n'est pas énoncé, j'ai dit, c'est inscriptible. Inscriptible en ceci que ce qui est exigible, que ce qui est exigible, il y ait fonction, c'est que du langage, quelque chose puisse se produire, qui est l'écriture, expressément comme tel de la fonction, à savoir quelque chose que déjà vous avez vu une fois symbolisé de la façon la plus simple, en tant que est improprement ici il n'est pas fait que précisément. Il ne puisse être incarné que dans des êtres de fiction, c'est en tant que ceci. Vous ne faites qu'une lettre qui soit adressée dans la valeur, dans la valeur. Énoncez dans mes propres propos ceci, ceci, il s'agit de la lettre, bien celui de la femme. Lorsqu'elle fait valoir son être en le fondant hors de la loi, il la contient toujours par l'effet de ses origines. Proposition de signifiant, voire de fétiche. Il est clair que sans l'introduction de la psychanalyse, une telle énonciation perdrait pourtant celle dont procède, je dirais, telle énonciation de dire que la loi la contient toujours, de par l'effet de ses origines en position signifiante d'art public, nous serons bien entendu, peut-être hors de l'introduction de la psychanalyse et de donc, c'est précisément ceci que je lui dis. Étatisé. C'est-à-dire, étant incarné dans celui du roi et de la reine, mettant en valeur de la vérité la structure de fiction, c'est à partir de là que prend fonction effet de la lettre qui se pose sur moi. Déficience marquée d'une certaine promotion, en quelque sorte arbitraire et fictive du rapport sexuel, et que c'est là que prenons sa valeur pour sa question. C'est tout de même une occasion ici de considérer que ceci s'en manche en quelque sorte d'une façon directe. Sur ce que je viens d'appeler, mais ces sortes de décalage sont vraiment nécessités par le point où je peux vous mener. C'est une occasion. Et qu'ici, je confirme ceci. Vérité progresse, ne progresse que d'une structure de fiction. C'est à savoir que, justement, dans son essence, c'est parce que se promeut quelque part une structure de fiction, laquelle est profondément l'essence même du regard, quelque chose peut se produire qui est quoi? Justement, cette sorte d'interrogation, cette sorte de serrage qui met la vérité au pied du mur de la vérification. Ça n'est rien d'autre que la dimension de la science. En quoi se montre justement la foi se justifie, si je puis dire, la foi. Science progresse la part qui prend la logique n'est pas mince. Quel que soit le caractère originellement, fondamentalement foncièrement fictif de ce qui fait il est clair qu'il y a une voie qui s'appelle l'éducation, c'est celle qui s'attache à saisir la fiction, si je puis dire, but, et ce qui l'arrête. Il est clair qu'ici, ce que nous a permis d'inscrire, vous verrez tout à l'heure ce que ça veut dire, pas de la logique, je veux dire la voie écrite par le progressé, il est clair que cette unité est tout à fait efficace de s'inscrire à l'intérieur même du système de la fiction, elle s'appelle la contradiction. Que si la science apparemment a progressé bien autrement que par les voies de la technologie, ça n'ôte rien à la portée de la marque, à savoir que la mise en demeure portée d'un certain point à la vérité d'être vérifiable, c'est précisément cela qui a forcé d'abord toutes sortes d'autres prémices prétendument intuitives, et si je ne vais pas y revenir aujourd'hui, la caractéristique de tout ce qui a précédé, frayé la voie à la découverte newtonienne, par exemple, c'est bien très précisément ce que aucune fiction ne s'avérait satisfaisante, autre qu'une d'entre elles qui précisément devait abandonner tout recours à l'intuition. À un certain inscriptible. C'est donc en quoi nous avons à nous attacher à ce qu'il en est de l'inscriptible dans ce rapport à la vérification. On va finir, bien sûr, avec ce que j'ai. Qu'ai-je dit expressément, c'est qu'elle détruise ce qui se trouve en être dans une position qui est celle d'être à son nom. Bien sûr, c'est là que je touche l'importance de autant déjà la dernière fois parce que je vous ai annoncé un écrit qui veut dire quelque chose qui se présentait sous forme littérale, littéraire. L'ombre serait produite par une source de lumière. Oui. Est-ce que jamais fait a été sensible de ce que comporte l'auclairon. C'est quelque chose qui garde structure de fixe. Il parle de l'époque historique. Bien sûr, c'est donc peut-être dit Laetitia et ses stochefels ont retracé les toits. Ou de les reprendre, mais en elles-mêmes. C'est clair que ce qui fait la lumière, c'est nécessairement de ce qui part de ce champ qui se définit lui-même comme étant celui de la vérité. Et c'est comme tel, en tant que tel, la lumière qui suspend à chaque instant. Du tel même, avoir cet effet efficace de ce qui fait opacité. Et que c'est cette ombre qui porte effet, que cette vérité elle-même, nous avons toujours à l'interroger sur sa structure de fiction. C'est ainsi qu'on va le voir. Il ressort de énoncer, expresser. La lettre, bien sûr, ce n'est pas à la femme dont elle porte l'adresse, elle satisfait en arrivant à sa destination, mais au sujet, à savoir, très précisément, pour le redéfinir à ce qui est divisé. Réalité en tant qu'engendrée par la structure de fiction. C'est bien ainsi que se clôt. Le conte, tout au moins tel que dans un second texte, et c'est là qu'on voit partir pour réinterroger plus loin ce qui en est la lettre. Jamais été fait que pour le faire, je dois prendre ce discours sur les lettres. Voilà, ce dont il faut partir, et tout de même ceci, c'est que ce n'est pas en vain que je vous semble, que je vous semble de bien entendre. Que ce qui se produit dans l'ordre de la logique. Ce n'est certes pas pour vous obliger. Les constructions élégantes. C'est en ceci que nulle part, comme dans ces constructions qui s'intitulent elles-mêmes d'être de logique symbolique, nulle part n'apparaît mieux. Le déficit de toute possibilité de réflexion. Je veux dire que rien n'est plus embarrassé, la possibilité qu'elle se pose elle-même de toute façon justifiable et quelque chose de. C'est ainsi que l'expérience de la lecture de ce traité, ils sont d'autant plus saisissants, bien sûr, à mesure qu'ils sont plus dans l'en avant de ce qui constitue effectivement et bien effectivement le progrès. de l'inscription de ce qui s'appelle l'articulation de l'articulation de quand on est capable de définir les cellules qui sont principales, ce soit à une matière. C'est fort étrange. C'est fort étrange, et c'est précisément dans ceci. Car c'est bien là qu'approfondir ce qui est là. Les choses se situent assurément que tu l'engages. Et de saisir que si peut-être dans ce langage, bien de ce qui s'avance de ce langage, disons, un usage correct ne peut très précisément s'énoncer qu'à ne pas pouvoir se justifier de la façon refuse par toutes sortes de tentatives qui sont par exemple celles qui consistent à utiliser le langage, un langage objet. Je te démontre toute la suite de ce devoir qui ne pas venir à ce instant. De parler de ce langage prétendument objet sans user, bien sûr, non pas d'un métalangage, mais d'un métalangage courant. Mais dans cet échec même, pour se dénoncer ce qui que l'articulation. Le rapport le plus étroit avec le fonctionnement du pouvoir, c'est-à-dire l'articulation suivante, c'est à savoir que le rapport sexuel de base est écrit. Donc, je dirais, et la seule façon quelques mouvements qui nous rappellent la dimension dans laquelle nous nous plaçons. Je ramènerai ceci, à savoir comment d'abord se présente ce qui inaugure le tracé de la logique, à savoir comme logique formelle et dans Aristote. Bien sûr, je ne veux pas toujours apprendre, quoi que ça serait très instructif, mais ça très instructif, mais après tout, chacun suit. De se donner seulement la peine d'ouvrir les premiers analytiques qui se mettent à l'épreuve de cette reprise, qu'ils ouvrent donc les premiers analytiques et ils y verront ce qu'est le syllogisme. C'est le syllogisme. Cela, je ne sais pas les choses, puisque à notre avant-dernière rencontre, c'est là-dessus que j'ai terminé. Je ne vais pas reprendre l'exemple vers ceci, limite, en exemplifiant toutes les formes qui me suffisent de mettre en valeur ce qui en est universel, particulière, et dans leur forme tout simplement affirmative. Je vais prendre le syllogisme d'Idarigui, c'est-à-dire universel, affirmative, et de deux particulières. Rappeler ce qu'il en est d'une certaine façon de présenter les choses, sachez simplement que ici, rien en aucun cas ne peut fonctionner que de substituer dans Angels, sister music video. Yeah. Good. Stato gouvernement dans ce cas d'avoir à déduire les conséquences qui en résulteront pour la position universelle de ceci, que l'homme est bon comme vous savez, si c'est bon. Mais ce qui m'a avancé pour bien ici dans mes dernières bon, qu'est-ce que bon à quoi? Où est-ce pour simplement dire comme ça se dit, puis quelque part, vous êtes bon. La mise en question de ce qui est si bien discours, si bien peut-être changement d'action qui a pu être pris quant à l'usage du mot bon. Alors je vais spécifier pour le service. C'est trop bandit. Le vous êtes bon à sa valeur absolue. Peut-être que c'est ça le lien central. Il y a du bon au discours. Un certain type de discours, là, c'est bon, comment bien dans cela, nous sommes conduits à la fonction du signifiant même. J'ai souligné qu'il n'est pas inhérent en soi au langage. Le langage nous commande. Je peux dire, me rend possible. Certains noms déterminés de discours et que tout ce moment jusqu'à présent je vous ai articulé spécialement l'année dernière, aucun d'entre eux n'élimine la fonction. Quelques animaux sont bons, et évidemment, dans ces conditions, une conclusion simplement formelle. C'est dans ça que je souviens tout à l'heure pour l'usage de la logique. Quoique elle-même, elle lui s'est menacée, vous n'avez plus à réduire à une tautologie. Quelques animaux sont bons. Justement, ne se limite pas à nous. Mais c'est l'histoire des arbres. On applique l'existence de ce qu'on appelle les animaux. On se bat pour bien être dans ce on peut partir qu'il n'y ait pas l'usage de la parole. Leur manque de langage est bien entendu bien plus que ça. Ne les rend pas pour autant moins sujet à la parole. Mais ça veut dire fait moyen de production. Ceci, vous voyez, sur une borne, vous verrez un tout petit peu loin. Remarquez que dans les commandements acquis du décalogue, la femme est assimilée au substance sous la forme suivante, qui ne comportera pas la femme de ton prochain, ni son œuf, ni son âme, ni l'énumération. Ceci n'est pas pour vous donner l'occasion de réfléchir, mais de réfléchir en rapprochant faire remarquer là en passant de ce qu'autrefois, de ce qui s'exprime dans les commandements, à savoir rien d'autre que les lois de la part. Ce qui limite leur intérêt, mais il est très important justement de limiter l'intérêt des choses que de savoir pourquoi vraiment elles portent. Donc, eh bien, ceci est un article de ma foi, comme j'ai pu, c'est-à-dire par un frayage, comme d'habitude, n'est-ce pas, ce que je suis pensé faire. Je passe à l'étape suivante, à savoir à ce que nous permet d'inscrire le progrès de la logique. Vous savez qu'il est arrivé quelque chose, d'ailleurs, très très beau, quelque chose. Comme un peu plus de l'identité, il est arrivé quelque chose qui s'appelle une réinscription. De ce premier essai fait par le moyen des trous portés à la place, c'est-à-dire par le remplacement des termes par le terme qui majeur mineur, un terme qui dit extrême. Terme majeur et mineur, des propositions, donc par contre, c'est l'absence. Donc, alors, vous savez qu'avec le génie qui est inauguré par Benoît Carnicourt, nous sommes arrivés, inaugurés seulement par eux, ils n'ont pas poussé en dernier point, nous sommes arrivés au formule du quantificateur. Quoi? Qu'est-ce qu'il n'entend pas? Personne? Il y a longtemps que vous n'entendez pas. Donc vous tenez au tableau. Ah oui. Donc jusqu'à présent, ça allait. Oui. C'est passé. Je suis reconnaissant. Alors, écoutez, je vais écrire rapidement et puis je vais revenir là. Thank you. Est posé ou pas oser. La fonction qui lui répond, c'est à ça. Là, est pris comme variable. Moi, les mythes, parce que je vous dis leur rapport, je vais l'illustrer. J'ai souligné, j'ai dit, j'ai énoncé que l'X est d'accord. Voilà, l'X doit être là. Est une inconnue. Prenons par exemple la racine d'une équation du second. Est-ce que je peux écrire pour toute racine d'une équation du second degré? Dans cette fonction qui définit l'X variable, celle dont s'instituent les nombres réels. C'est en tout cas pour cela tous les nombres qu'ils connaissent. Pour savoir, y compris les nombres irrationnels, même s'ils ne savent pas ce que c'est. Ils savent simplement qu'avec les nombres réels, on en a fini, on leur a donné un statut. Comme ils ne soupçonnent pas ce que sont les nombres imaginaires, je leur indique que pour leur donner l'idée, ça vaut la peine de faire une fonction des nombres réels. Là, il est tout à fait clair qu'il n'est pas vrai que pour toute racine de l'équation du second degré, on puisse dire que toute racine du second degré s'applique face à la fonction dans ce fond de l'énorme. Il y a des racines de l'équation de l'énorme qui sont des noms imaginaires. La partie de la fonction de l'énorme. Bon. Ce que je peux souligner, c'est ceci. C'est qu'avec ça, avoir assez dit. Bien, non. On n'en a pas assez dit, car aussi bien pour ce qui est le rapport sous X, que du rapport qu'on croit pouvoir substituer au quelque, à savoir, dont on peut se satisfaire dans le cas, à savoir qu'il existe des racines de l'équation du second degré qui satisfont à la fonction. Et aussi, qu'il existe des racines de l'équation du second degré qui ne satisfont pas. Mais, dans un cas comme l'autre, ce qui en résulte, loin que l'homologie complète des universels et des particulières affirmatives et négatives, c'est que ce que ceci veut dire, c'est non pas que la fonction n'est pas vraie. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire qu'une fonction n'est pas vraie? Au moment que vous écrivez une fonction, elle est déporte beaucoup la fonction des nombres R. Ceci veut dire que concernant l'inconnu que constitue la racine de l'équation, je ne peux pas écrire pour une logique la fonction des nombres. Ce qui est bien autre chose, c'est l'universel négatif. Était déjà bien faite pour nous la permettre en suspens. Je l'ai assez souligné en son temps. Il est exactement le même au niveau de il existe un X. Il existe un X à propos duquel il existe certains X, certaines racines de l'équation, à propos desquelles je peux écrire la fonction dite des nombres réels en disant qu'elle satisfait. Il en est d'autres à propos desquels il ne s'agit pas de nier la fonction des nombres réels, mais à propos desquels je ne peux pas écrire la fonction des nombres réels. Ça qui est là, nous avons une troisième étape, qui est celle d'être en somme et d'être bien sûr pour vous introduire. C'est que, comme vous l'avez bien vu, je glisse tout naturellement à vos pieds au souvenir de ce qu'il s'agit de réarticuler. J'ai glissé. À l'écrit. À savoir que la fonction avec cette barre au-dessus symbolisait quelque chose de tout à fait inepte au regard de ce que j'avais effectivement à dire. Donc, vous avez peut-être remarqué que vous n'avez pas pu habiter, au moins jusqu'à présent, non plus de penser que la barre de la négation peut-être avait quelque chose à faire, à dire, dans la colonne, non pas de droite, mais de gauche. Essayons. Quelle partie peut-on tirer? Est-ce qu'on peut avoir à dire à propos de ceci, la fonction n'arriverait pas, appelons-la qui de X comme par hasard. Et admettre que nous n'avons jamais eu à faire jusqu'à présent la barre de la négation. Bien écrit. Commençons par la vie. Ce n'est sia figlio di X, questa scritta. Se ne va! È un X esistente della funzione phi di X che si scrive ce n'est encore pas. Si c'était inscriptible ou pas. Mais à m'exprimer ainsi, j'énonce quelque chose qui n'a de référence que l'existence de l'écrit. Il y a un monde entre les deux négations. Celle qui fait que je ne l'écris pas, que je l'exclus, et s'exprimer autrefois quelqu'un qui n'était un grammairien assez fin, c'est fort plus. Votre fonction ne sera pas écrite. Je ne veux rien en savoir. L'autre est discordantiel. Ce n'est pas, en tant que il y aurait un tout X, que je peux écrire ou pas écrire, phi de X. En tant qu'il existe un X, que je peux écrire ou pas écrire phi de X. Ceci est très proprement ce qui nous met au cœur de l'impossibilité d'écrire ce qu'il en est du rapport sexuel. Car, on peut que subsister pendant des temps concernant ce rapport, les structures de fiction bien connues, celles sur lesquelles repose les religions. Nous en sommes venus, ceci de par l'expérience analytique, à la fondation de ce rapport ne va pas sans tiers terme. Si je puis dire, C'est bien obligé de s'y perdre de la piscine. Justement, il y a un verre perdre. C'est pour ça qu'il peut y avoir un rapport. C'est bien sûr. D'image et ça. Je montrais qu'il y a quelque chose d'inconnu qui est là, l'homme. Il y a quelque chose d'inconnu qui est là, la femme. Le tiers terme, en tant que tiers terme, il est très précisément caractérisé par ici, c'est que, justement, il n'est pas un médium. Si on le relie à l'un des deux termes, le terme de l'homme, par exemple, certain qui ne communiquera pas avec l'autre. Et inversement. Que c'est spécifiquement là ce qui est la caractéristique du tiers terme. Bien entendu, si même on a inventé la fonction d'attribut. Pourquoi ce serait-il pas rapport dans les premiers pas ridicules de la structure semblant que tout homme est pas. Toute femme ne l'est pas. Qui est à établir. C'est bien autre chose. C'est que quelque homme l'est. À partir de ceci, ici, la à partir de ceci, que ça n'est pas en tant que particulier l'est. En tant qu'il est tout homme. Comme vous le savez, il y a les plus grands doutes à porter sur le fait que tout homme existe. C'est ça l'enjeu, c'est qu'il peut l'être au titre de tout homme, c'est-à-dire d'un signifiant, rien de plus. Par contre, vous énoncez ce que je vous ai dit, c'est que pour la femme, l'enjeu est exactement le contraire. Savoir ce qui exprime l'énoncé discordantiel du haut, celui que je n'ai écrit, si je puis dire que sans l'écrit, ce que je vous souligne, il s'agit d'un discordantiel qui ne se soutient que de l'énoncé. C'est que la femme ne peut remplir sa place dans le rapport sexuel ne peut l'être qu'au titre d'une femme. Il n'y a pas de toute femme. Je suis venu aujourd'hui frayer, vous illustrer, c'est que la logique porte la marque de l'impasse sexuelle. Le cas la suite. Dans son mouvement, dans son progrès, c'est-à-dire dans le champ, elle paraît avoir le moins à faire avec ce qui est en jeu, ça, notre expérience, sans savoir l'expérience analytique, vous y retrouvez les mêmes impasses, les mêmes obstacles, les mêmes déances, la même absence de fermeture d'un triangle fondamental. Le temps. Le temps. Le temps. Vous avancez si vite. Avec ce que j'avais à vous frayer aujourd'hui et que je dois maintenant m'interrompre, je pense. Ce sera facile peut-être dès avant que nous en voyons le deuxième mercredi du mois de juin de vous apercevoir vous-même de la provenance de ceci, du résultat. Le résultat, par exemple, que rien ne peut être fondé du statut de l'homme, je parle de l'expérience analytique. Qu'à faire artificiellement, mythiquement, ce temps avec celui régimé, le père mythique, le totem établi, pour savoir celui qui est capable de satisfaire la jouissance de toutes les femmes. Nous inversons ce sens des conséquences la position de la femme de ce cycle. Que ce n'est qu'à partir d'être une femme s'instituer dans ce qui est inscriptible de ne le pas l'être, c'est-à-dire restant béant de ce qu'il en est du rapport sexuel. Il arrive ceci, si lisible, ce qu'il en est. Combien précieuse des hystériques. Les hystériques sont celles qui, sur ce qu'il en est du rapport sexuel, disent la vérité. Comment aurais-tu frayé cette loi de la psychanalyse si je la débroche qu'une névroche, tout au moins je la démontrerai également pour l'autre. Qu'une névroche ne soit strictement le point où s'articule la vérité d'un échec. Qui n'est pas moins vrai partout d'ailleurs que là où la vérité est dite, là il faut partir. Pour donner son sens à la découverte chrétienne. L'hystérité articule. C'est bien sûr ceci. Que pour ce qui est faire le tout homme, elle en est aussi capable que le tout homme lui-même, à savoir par imagination. De ce fait, elle n'en a pas besoin. Mais que si par hasard, ce dont elle se conçoit comme châtrée, que par le progrès du traitement, puisque c'est son sens. Je dois voir qu'elle l'a. Elle l'a pas de son côté. Et que si par le rapport sexuel là, elle s'intéresse à cet élément entier, le phallus, et comme elle peut s'y intéresser que par rapport, il n'est pas sûr qu'il y en ait même un. Sa politique sera tournée vers ce que j'appelle en avoir au moins un. L'au moins un. Avec ce que déjà, bien sûr, il a déjà articulé, à savoir celle que l'un en plus, qui n'est pas ailleurs qu'ici, n'est-ce pas, celle que j'ai écrit la dernière fois. Alors, pour rien, je l'ai écrit ainsi, je pense, que le couvert, thank you.